Dossier 2. Livre page 25. Question A. Le père. De quoi nous avons besoin aujourd'hui? La mère. On a besoin d'un paquet de riz. Le garçon. Papa, il nous faut une brique de jus d'orange. La fille. Maman, on a besoin d'un pot de confiture de fraises. Le père. Et n'oublions pas aussi des boîtes de conserve de thon.